Eh bien, bonjour à tous. C'est l'émission France Impro qui commence ce matin, comme tous les seconds et quatrièmes samedis du mois à 10h. Donc, vous entendez une émission qui est en différé, puisque ce matin, on est enregistré en public au lieu commun à Toulouse pour la fête du Faubourg Bonnefoy. Donc, ce matin, en réalité, on est le 13 juin. Et cette émission sera diffusée ultérieurement. Donc, vous venez d'entendre un duo, Lucie Laric et Yann Jossin. Bonjour. Alors attendez, il y a un micro qui a changé, donc il faut... Salut Yann. Salut. Bienvenue. Salut Lucie. Salut. Merci pour votre introduction à cette émission aujourd'hui. Bon, on va faire une émission un peu donc particulière, parce qu'on ne va pas faire d'agenda, parce qu'en fait, je ne sais pas quand l'émission sera diffusée, donc l'agenda des concerts, tant pis. Par contre, on va discuter avec vous des projets que vous avez, des expériences, de votre pratique de la musique improvisée et d'autres types de musique également, éventuellement. On va faire connaissance, parce qu'avec Yann, on ne se connaît pas. Et puis, tu vas nous raconter aussi ce que tu fais avec Coax, ton collectif parisien. Voilà, voilà. Donc, voilà le programme pour la matinée. Puis, on fera du son en direct encore. On va écouter également des morceaux que tu vas nous proposer de Coax. Hein. Et voilà, donc c'est une belle découverte pour cette matinée qu'on vous souhaite agréable. Alors Yann, dites-moi. Alors, bah moi j'habite à Paris et je fais partie du collectif Coax qui existe depuis 2008, qui est un rassemblement des groupes de 5 musiciens, Simon Enoch, Antoine Viard, Julien Després, moi-même Yann Joussin et Benjamin Flamand. Voilà, donc on a réuni tous nos groupes. Depuis toutes ces années, il s'est passé des choses comme Rétroviseur, Radiation 10, DDJ, Pipeline. Ça a évolué. Il y a des nouveaux groupes comme Snap, Coax Orchestra, Golem. Voilà. Enfin, chacun des membres du collectif fait partie d'un certain nombre de groupes. Et qui sont affiliés au collectif ou pas. C'est aussi un label. Là, j'avoue, je n'ai pas le nombre exact en tête, mais il y a beaucoup de disques. Voilà, le duo qu'on vient de jouer avec Lucie, ça faisait plusieurs années qu'on ne l'avait pas fait. Et, on l'a joué pendant un moment, ordinateur et violon. Peut-être que tu veux en toucher un mot. Oui. Alors, oui, effectivement, ça s'appelle Pou, ou ça s'appelait, je ne sais pas du coup si ça existe encore. Et on n'avait pas eu l'occasion de. Ça existait ce matin en tout cas. C'était chouette, merde. Dans quelques minutes. Et voilà, c'est un des tout premiers. C'est de la musique vraiment complètement improvisée, ouais. Avec des traitements en temps réel sur le violon. Et voilà, à propos du label Coax, je voudrais dire qu'il y a des disques qui sortent régulièrement. Un des derniers disques, c'est un disque de violon solo, qui s'appelle Violonisation et Poèmes en violonné. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir publier un disque sur ce label également. Voilà. Chouette. C'est quoi l'histoire de ce collectif ? Parce qu'en fait, pour tout dire, à Toulouse, on réfléchit à faire des choses dans cet esprit, avec les copains, bah de musique improvisée. Ça m'intéresse. C'est vraiment d'actualité de se rassembler en collectif. Depuis longtemps, dans le théâtre, dans la danse, mais plus récemment, peut-être dans la musique improvisée, musique un peu alternative. Donc c'est un collectif où il y a plusieurs types de médias, de la danse, d'autres choses. Non, pas parce que là, oui, ça nous arrive tous de travailler avec des chorégraphes, avec des metteurs en scène, avec des vidéastes, avec plusieurs choses, mais c'est quand même que des musiciens qui sont à la base de ce collectif. Quoi. On est en résidence. On a plusieurs choses cette année. On est en résidence à la Dynamo de Banlieue Bleue. Donc c'est en région parisienne. Là, on a fait le projet collectif. Bon, on a eu une résidence de création, on a eu une résidence de diffusion, des actions scolaires, tout ça. Le gros projet collectif, c'était un projet avec 8 écrans, avec plusieurs vidéastes. Ça s'appelle Brazil Mashup, donc qui réunissait 12 musiciens et avec, avec des montages vidéo plus ou moins faits maison. Voilà, donc là, on peut dire que c'est... oui, on a... Il y a la vidéo qui est là, ouais, quoi, c'est sûr. Moi, je suis en résidence au Carreau du Temple, à Paris aussi. J'ai travaillé sur la création du nouveau projet Coax Video Game Party. Donc là, c'est travailler avec une peintre, avec un dessinateur, avec un artiste qui m'a aidé à faire la création lumière. Voilà, c'est tout un univers où qui dépasse la musique, c'est-à-dire comment la musique peut être influencée par un jeu, ou comment elle peut être influencée par un visuel, comment elle peut être influencée par des lumières, par une action extérieure à la musique, et vice-versa, comment la musique peut influencer sur le jeu, sur l'installation visuelle, tout en gardant cet esprit musical écrit, improvisé. C'est un mélange des deux. Vous avez des choses écrites également, ou des des conseils? Oui, voilà, on écrit des trames rythmiques, on écrit des trames harmoniques, on écrit juste des structures, une longueur, des ambiances. Et comment tu procèdes, toi? Parce que je sais qu'il y a... Enfin, moi, personnellement, ça m'arrive souvent, mais il y a beaucoup de musiciens en musique improvisée qui jouent les yeux fermés pour être concentrés sur le son, sur ce qui vient des partenaires, sur son ressenti corporel et tout. Et l'interaction avec des médias qui sont plutôt visuels, comme le dessin, la danse, c'est pas évident, en fait. Comment, toi, tu pratiques ça? Par exemple, avec des installations lumière. Donc, par exemple, j'installe 8 lumières... et je l'ai fait. J'invente un jeu où en donnant un coup de grosse caisse ou une note de piano, ça déclenche plusieurs lumières une par une en faisant des sons. Là, on est parti sur un jeu, donc du coup, chaque lumière fait des sons. Du coup, finalement, ça m'importe peu. Je me suis intéressé à ce que ça rendait visuellement. Je me suis aussi fait aider parce que j'ai pas d'expérience de l'art visuel. Ensuite, par exemple, pour cet exemple-là, moi, ces lumières, je les dispose face au public. Donc, je n'ai pas besoin de les regarder plus que ça, quoi. Je trouve ça... J'aime bien... je sais que pour moi, tout ce que ça fait de là où je suis quand je joue sur scène, ça allume des lumières un peu à droite à gauche, ça donne une ambiance un peu visuelle. Mais c'est le son qui te porte quand même. Voilà. Mais par contre, justement, l'idée, c'est vraiment... nous sommes un collectif de musiciens, on joue de la musique... Après, il y a vraiment différents types de travail, quoi. Enfin, quand on a fait Brazil Mashup, sur certaines vidéos, il fallait jouer telle note sur telle image. Donc, c'est du matériel qui, à la base, était improvisé, qui est devenu une base d'écriture. Ouais. Donc là, on ouvre les yeux, on regarde la vidéo et on joue au moment où il faut jouer. Et à la fois, il y a de la vidéo qui est très abstraite, où on improvise avec des modes prédéfinis. Voilà, tiens, là, on va jouer fort, là, on va jouer doucement, là, on va jouer espacé. Et puis, bon, bah, qui veut regarder la vidéo, en fait, c'est... même pour le public, s'il veut fermer les yeux, s'il veut juste regarder la vidéo, s'il veut juste regarder les musiciens, pour moi, c'est pas ce qui est le plus important. J'aime bien cette idée de savoir qu'est-ce qui influence quoi... On écoute quelque chose, du coup? Ouais. Allez. Alors, je vais mettre... un morceau. Pardon. Un morceau qui s'appelle Lent et Sexuel, qui est du disque qui s'appelle Lent et Sexuel, Coax Orchestra. Donc, avec 8 musiciens, ça a été enregistré il y a un peu moins d'un an. Je vous laisse écouter. Thank you. Eh bien, vous êtes bien sur Éphémère 89.1. C'est bien le samedi du mois pour lequel l'émission France Impro est programmée. Et vous venez d'écouter un morceau du collectif Coax Orchestra. C'est bien ça, Yann ? Coax Orchestra, donc 8 musiciens. C'est un morceau qui s'appelle Lent et Sexuel, comme je disais avant. C'est le nom du disque. Et en fait, j'ai écrit le répertoire de ce disque. Celui-là, en l'occurrence, c'est une mélodie très lente qui est répétée de manière têtue. Et finalement, la mélodie, elle est en arrière-plan. Ce qui compte, c'est la montée de bruit qui se passe derrière. C'est ça qui est mis en avant. Et en fait, c'est très long. Voilà. Après, le titre, il parle. Chacun le voit comme il a envie. Tout le répertoire a été écrit. J'ai imaginé une formation. Donc en fait, il y a deux guitares, Julien Després, Simon Enoch. Il y a une harpe électrique, Raphaël Rinaudot. Il y a un clavier électrique, Romain Claire Renaud. Une basse électrique, Xuan Lindenmeyer. Donc moi-même à la batterie, Yann Joussin. Et deux soufflants, un saxophoniste qui s'appelle Antoine Viard et un trompettiste qui s'appelle Emery Cavis. Du coup, j'ai été très influencé par l'écriture du Prime Time d'Ornette Coleman, ce fait de superposer toujours plusieurs ambiances, notamment les ambiances disco, quand il a deux batteurs, deux bassistes et deux guitaristes qui jouent en même temps, sur le même tempo. C'est deux groupes différents qui jouent presque la même chose, mais en même temps, ils ne jouent pas la même chose. Et en fait, ça donne quelque chose de festif, décadent, décalé. Et en fait, j'ai vraiment fasciné par cette superposition. Et c'est pour ça que j'ai voulu deux guitares, harpe, clavier. Il y a quelque chose, il y a un gros magma harmonique et de cordes et d'ampli. Il y a 5 amplis quand même sur scène. Ce qui peut être presque brouillon, mais dans l'écriture j'ai insisté là-dessus, ça s'est assez bien précisé. Voilà, du coup tout le répertoire, et c'est pas que ça, mais il est assez basé sur les superpositions d'ambiance. Par exemple, il y a un morceau où il y a une rythmique disco entre guillemets. Mais chacun, on ne sait pas coordonner sur quelle cocotte on va faire, tout ça. Il y en a qui ne sont même pas forcément dans la même tonalité. Et en fait, on a quand même fait tourner ça longtemps pour que quand même ça groove, pour qu'il y ait quand même une unité. Parce qu'il y a une unité, c'est un orchestre quand même. Et par-dessus, un guitariste qui joue les accords d'une mélodie très simple, avec un saxo, avec une réverb, comme ça. Du coup, on a fait des étages comme ça. Il y a un morceau qui s'appelle Musique d'ascenseur, où là, il y a une espèce de bossa bizarre qui vient et qui part, avec une espèce de techno minimal, pareil, qui vient, qui part, qui se superpose avec une mélodie par-dessus trompette, guitare. Donc il y a trois étages. Voilà, bon, en tout cas, c'est le concept de l'écriture de cet orchestre-là est parti de ça, quoi. En termes de. Parce que tu parlais du collectif Coax et des publications disques, etc. Vous jouez beaucoup en live aussi ? La scène parisienne, c'est comment ? Pour la musique improvisée, les musiques un peu expérimentales ? Notre musique, elle est faite avant tout pour jouer en live. Donc c'est notre principale activité, c'est la diffusion quand même. Chacun joue, enfin chacun se débrouille avec ses groupes et ses projets pour les faire jouer. Le fait aussi qu'on soit en collectif permet. Que, par exemple, ces dernières années, on a organisé des événements tous les mois au Cirque Électrique, au Petit Bain, au Studio de l'Ermitage. Ouais, vous organisez les événements vous-même, en fait. Voilà, où là, on invite des choses comme ça. On invite des musiciens d'ailleurs, ouais, en tournée ou pas. On se fait entre guillemets notre programmation. Alors, faut être prudent avec ces mots-là parce qu'on n'est pas programmateur et c'est vraiment un métier. C'est vraiment construire une belle programmation intelligente et je parle même pas du public, hein, je parle vraiment de construire logiquement, amener quelque chose de clair. Ouais. Voilà. Ouais. Le Coax, c'est ça. C'est de la musique improvisée, mais en même temps écrite, en même temps rock, en même temps contemporaine. Donc là, on est un collectif, donc forcément, il y a toujours des sons de cloche différents. On y arrive plus ou moins, mais moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas notre métier. On fait ça aussi parce qu'on a besoin de s'exprimer. Ouais. Tout le monde a besoin de s'exprimer parce qu'on voyage beaucoup et on voit bien que c'est pareil partout. Ah, il manque un lieu, il n'y a pas assez de public, je sais pas quoi. Puis du point de vue artistique, peut-être ça crée des respirations entre vous, des synergies ou alors des tensions qui font que ça fait avancer les choses. Ouais, ça reste très vivant et on a aussi organisé des festivals, du coup, plusieurs festivals, où là on met beaucoup plus de moyens, on se fait beaucoup plus aider. Donc là, ça devient assez différent. Là, on a plus de prétention à faire de la programmation, entre guillemets. Je le mets toujours entre guillemets parce qu'on est musicien. Parce que aussi, ça inclut énormément de travail administratif, de travail logistique, ouais. Tout le matériel, tout le son, le backline. Loger les musiciens, nourrir les musiciens, les problématiques auxquelles nous-mêmes on est confrontés quand on part en tournée, on doit y faire face quand nous-mêmes on accueille des gens et quand nous-mêmes on se fait jouer aussi. Bien sûr. Lucie, tu veux ajouter quelque chose? Moi, je sais que tu étais très motivée pour lancer quelque chose au niveau toulousain en termes de. Oui, tout à fait. Collectif. Quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai toujours envie de m'insérer déjà dans ce réseau qui existe déjà quand même, et puis ensuite d'y apporter ma pierre et essayer de tirer des leçons de d'autres expériences qui ont eu lieu proche de moi, et puis de imaginer une autre façon de le faire dans une autre ville avec d'autres musiciens, mais avec toujours la même envie, c'est la diffusion, c'est vraiment pouvoir s'exprimer quel que soit le type de musique, quoi, tant qu'elle est sincère et tant qu'elle est, elle est vitale, voilà, de vraiment pouvoir faire exister un courant d'exploration comme ça, de recherche musicale et artistique. Voilà. Après, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, il faut des moyens, il faut fédérer des gens, c'est quelque chose de collectif, donc ça prend du temps de créer des liens, ouais. de renforcer ce réseau, tout ça, donc ça va sûrement se faire petit à petit, mais cette émission qui existe déjà, c'est un élément qui peut y contribuer. C'est un point de rassemblement, c'est un prétexte. Exactement. De rencontre, oui, c'est fait. Plein de choses. Et c'est un contact avec des auditeurs qui nous écoutent. On espère. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferait un peu de son en live? Ça vous dit? Ouais. Oui, volontiers. On se le fait à deux ou on se le fait à trois? Bon, comme vous voulez, on peut se faire un petit trio. On se fait un trio. Ouais, allez, c'est parti. C'est parti, le temps qu'on s'installe. À tout de suite. Thank you. Thank you. Eh bien, c'est toujours France Impro, c'est samedi matin, il va être bientôt 11h, la fin de l'émission, qui est diffusée, je le rappelle, en différé. Et il fait beau à Toulouse, et je suis avec ce matin, c'est Jean-Michel au micro, avec Lucie Laric et Yann Jossin. Merci à vous deux pour ce moment. Merci à toi aussi. Ouais. Super moment. Bah, c'était cool, ouais. On espère que vous, au bout des ondes hertziennes, vous passez un bon moment aussi. On va arriver en fin d'émission. Il doit nous rester à peu près 5 minutes. Ok. J'aurais quelques petites questions parce qu'on a parlé tout à l'heure du morceau de Coax Orchestra et aussi de tout le disque, en fait. Et j'ai une question concernant le rapport entre l'écrit et l'improvisé dans cette musique. C'est-à-dire que tu dis que tu as écrit le répertoire. Mais qu'est-ce que tu as écrit exactement? Parce que quand on écoute comme ça, et s'il y a une mélodie de 5 ou 10 notes, ça constitue le morceau, mais il dure 6 minutes. Donc comment est-ce que les musiciens ont quelle marge de liberté est-ce qu'ils ont par rapport à cette fameuse mélodie, le noise dont tu parlais qui doit monter, mais du coup, comment ils font pour se coordonner là-dessus? Est-ce que vous avez travaillé un timing précis ou, comment ça se passe pour construire ça, en fait, partir de... En fait, je sais pas si on peut dire que c'est improvisé, parce que c'est de la musique écrite. Mais ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que c'est de la musique écrite qui utilise du langage ou de la matière qui vient de la musique improvisée. Ça veut dire que j'ai entendu des guitaristes ou des gens qui font de la noise, tout ça, jouer, utiliser certaines matières sonores et en fait juste depuis leur matière sonore, que ce soit du Larsen, de la distorsion, des notes tenues, des notes, peu importe, ils construisent des choses. Donc dans la noise, c'est tout un courant où on branche des machines entre elles, où on joue avec le Larsen, avec le bruit blanc, avec les basses, avec les delays. L'expérience peut être différente selon le cadre, selon ce qu'on a envie de donner. Dans le cas de la noise, ça peut souvent être une expérience physique qui marche avec des gros systèmes sons et où on ressent des vibrations, où on sent des fréquences qui se croisent, qui vibrent, qui tremblent, qui font parfois vibrer la cage thoracique ou voilà, je sais pas où. Faire se boucher les oreilles. En tout cas, on ressent une expérience physique, émotionnelle ou plus ou moins forte. Ça devient quelque chose qui a été, à partir du moment où ça a été fait, ça devient quelque chose qui existe et qui est dans le paysage sonore, qui peut être écrit. Comme un disque de musique improvisée, à partir du moment où on l'a gravé, il peut devenir un élément du répertoire. On peut dire aujourd'hui que Albert Ehler, avec son trio, avec, pardon, bon, j'ai trop de mémoire, c'est de la musique classique improvisée aujourd'hui parce que ça a influencé tout le monde, ça a été gravé un jour et que aujourd'hui, ben, ça fait partie du vocabulaire que quand on aime cette musique-là, on peut emprunter le vocabulaire d'Albert Ehler ou de Cecil Taylor ou de Ornette Coleman ou je sais pas qui. Dans le cas de ce morceau-là, la texture en elle-même, qui est la trame de tout le morceau, donc c'est une montée de bruit, de saturation et de notes de guitare et de harpe et de clavier, tous les instruments qui ont utilisé un ampli et de la distorsion, qui fait le morceau, en fait. Et comme si c'était d'un point de vue, je sais pas, onirique ou poétique, je sais pas quoi, ce qu'on veut, j'ai voulu écrire une mélodie qu'on entendrait comme dans un rêve par-dessus un brouhaha. Un brouhaha qui monte en puissance, en fait, qui apporte une énergie. Donc, en fait, c'est orchestré, c'est architecturé, en fait. C'est-à-dire que j'ai emprunté une mélodie peut-être presque enfantine. Enfin, je l'ai composée, mais je veux dire, ça, n'importe qui peut l'écrire. Et j'ai utilisé un élément qui est bien connu. Voilà. Comme si c'était de la musique improvisée, organisée, un peu prévue. Oui, voilà. Mais... Je ne sais pas dans quel cas on peut parler de musique improvisée, parce qu'on improvise de la matière qu'on a forcément intégrée à un moment ou à un autre. On improvise même un enfant qui n'aurait pas forcément beaucoup d'influence, qui serait libéré de beaucoup de complexes. Le fait qu'il prenne un instrument, déjà, il va le prendre, il s'y prend une guitare ou une flûte, il va souffler dedans. Parce qu'une flûte, c'est fait pour souffler dedans, et si on souffle trop fort, ça va saturer. Ce sera la première influence qui va... Fin, du coup, pour moi, l'improvisation, c'est comment est-ce qu'on agence, comment est-ce qu'on fait de l'architecture, comment est-ce qu'on construit, comment on transmet des émotions, comment on s'exprime à travers tous ces langages techniques. Voilà. Mais tu te gardes une part de... Parce que pour moi, l'improvisation, il y a une part de présent. C'est-à-dire que tu te gardes une marge de manœuvre qui peut être large ou étroite, ouais, sur une base écrite, mais ouais, qui est relative au moment présent, à l'instant, et aux interactions avec l'espace, l'ambiance, le public, les autres musiciens, évidemment, et qui va faire que tu vas jouer ça ou autre chose. Mmh. Ouais, mais après, si on va voir un musicien de musique improvisée qui improvise vraiment, un musicien qu'on aime, qu'on suit, on va le voir plusieurs fois, alors on va dire oui, il improvise parce que la forme est différente, parce que l'émotion est différente, parce que le son est différent, mais c'est toujours la même personne qui exprime toujours le même type d'émotion et le même type de langage, ouais, qui va utiliser les mêmes effets plus ou moins, qui va avoir la même voix, qui va avoir la... Voilà. Donc pour moi, ce qui devient intéressant, au-delà de musique improvisée ou pas, c'est de développer quelque chose et de transmettre quelque chose. Voilà. Ouais, c'est intéressant, ça veut dire que finalement, il y a un côté... Enfin, on exprime ce qu'on est, quoi. Et ce qu'on est à un instant donné avec les gens qui sont là. Mmh. Et c'est drôle parce que ça me fait penser que finalement c'est aussi une partie de ça qui fait qu'on va chercher des endroits où on va pas souvent, peut-être de nous-mêmes, quoi. Et on écoute un peu de son, puis on va clôturer là-dessus. Il doit nous rester quelques minutes. Ce sera notre générique de fin, si tu veux. Sinon, on aurait pu mettre mon... Comment ? Si tu veux, c'est une émission improvisée. Alors voilà. Et voilà. Et on vous souhaite une bonne quinzaine. Juste, c'est le groupe Tweedledee qui est avec un saxophoniste toulousain, Robin Finker. Ah oui, bien connu à Toulouse, ouais. Et qui est franco-anglais. La moitié du groupe est anglais, la moitié est français. Et voilà, c'était l'émission France Impro. On va vous quitter sur cette musique. On vous souhaite une bonne quinzaine. Portez-vous bien. Et passez de bons concerts. Ciao, ciao.